Collège de France a été créé au XVIe siècle pour enseigner des matières qui ne l'étaient pas à l'université et pour développer un enseignement libre, mais l'esprit est resté. Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Donc le Collège de France est une institution qui est faite pour la recherche fondamentale et pour lui permettre de se développer dans des conditions de confiance avec le temps qu'il faut pour que la recherche puisse se développer. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Pourquoi le Deutéronome est-il un livre charnière dans la Bible ? Quels sont les débats autour de la formation du Pentateuque qui regroupe les cinq premiers livres dans la Bible et comment la théorie documentaire a-t-elle été remise en question, s'interroge l'exégète philologue Thomas Römer. Quelle est l'importance des prophètes dans les livres historiques? Thomas Römer, titulaire de la chaire des milieux bibliques, ancien doyen de la faculté de théologie de l'Université de Lausanne, nous entraîne dans une grande enquête au cœur des textes bibliques, mais aussi dans la perspective des dernières découvertes archéologiques, dans le cadre de sa nouvelle série intitulée « Naissance de la Bible, anciennes et nouvelles hypothèses ». Dans une interview de 2018, Thomas Römer explique, et je le cite, que lire le texte biblique de manière attentive permet de comprendre que ce n'est pas un discours cohérent par lequel un dogme veut s'imposer au lecteur. La Bible elle-même nous encourage à respecter l'analyse historico-critique. Or, l'approche de la formation du Pentateuque s'est modifiée, comme nous l'avons vu dans le cours précédent. Thomas Römer rappelle, et je le cite, que jusqu'au milieu des années 1970, dominait la théorie documentaire. Cette théorie postulait du fait qu'à l'origine, le Pentateuque était composé de quatre documents, le Yahviste, le Éloïste, le Deutéronome et l'écrit sacerdotal. Documents jadis indépendants que l'on aurait fusionnés comme si on avait réuni les quatre évangiles dans un seul écrit. L'exégète et théologien allemand Gerhard von Rad avait même parlé des Lumières de Salomon, dans lesquelles il situait le plus ancien des quatre documents, le Yahviste. Aujourd'hui, cette vision est abandonnée, au moins en Europe, nous explique Thomas Römer. L'archéologie nous a permis de vérifier que l'existence d'un empire de Salomon, qui aurait dominé les peuples et les territoires de l'Égypte à l'Euphrate, est tout simplement historiquement impossible. Dans cette même interview, Thomas Römer indique que l'on repère les textes P, rédigés par des prêtres d'où le sigle P, que l'on peut facilement identifier par le style, le vocabulaire, voire par la théologie, et dont on peut bâtir un récit indépendant. Mais les autres textes, dits non P, sont datés d'une époque plus récente que le règne de Salomon. Enfin, en conclusion, le philologue note « Comme je le dis à mes étudiants, le fait qu'il n'existe pas de modèle capable de faire l'unanimité doit être saisi comme une chance. Ainsi pouvons-nous disposer d'une véritable liberté d'interprétation. N'ayons pas peur de l'analyse, le texte résiste bien. » Comment les grands récits des patriarches et de l'Exode sont-ils deux mythes originels, indépendants et différents ? S'interroge aujourd'hui Thomas Römer avant de questionner la formation des Nébiïm, entendez les prophètes. Quelle est l'importance de la découverte de l'histoire du Deutéronomiste et pourquoi peut-on travailler sur l'hypothèse d'une bibliothèque deutéronomiste avec plusieurs scribes en charge de différents livres ? Mais avant d'ouvrir ces grandes questions, nous retrouvons la théorie documentaire autour du Pentateuque. Et je rappelle que ce livre regroupe la Genèse, récit sur la création du monde, l'Exode, qui raconte la vie de Moïse et la sortie des Hébreux d'Égypte, le Lévitique, sur les lois religieuses et les rites, le livre des Nombres, qui mêle récits, lois et recensement des tribus d'Israël, et enfin, le Deutéronome, récit de la fin de l'errance toujours au seuil de la terre promise, mais livre qui comprend aussi le discours et la mort de Moïse et une deuxième série de lois. Nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 11 avril 2019 pour le cours de Thomas Römer, Naissance de la Bible, aujourd'hui, la formation du Pentateuque, suite et la formation des prophètes. Nous devons brièvement terminer sur la formation du Pentateuque avant qu'on arrive à ce que j'ai annoncé pour ce cours, à savoir